Elle aurait voulu leur donner ce qu'elle a toujours rêvé avoir. Elle aurait seulement effacé un peu de leur douleur d'y croire. Mais au détour de ses silences, elle dit bien plus que ce qui est. Tout le monde sait bien ce qu'elle en pense, mais elle, elle ne peut pas parler. Elle aurait bien touché les gens avec un peu de ses voyages. Leur raconter tous ses enfants qui ne sont pas que des images. Mais elle ne sait comment leur dire que ses pensées vont bien là-bas. Qu'elle va bientôt devoir partir et oublier qu'ils sont là. Oh, elle voudrait bien encore caresser ce décor, trouver le temps qui pleure au milieu de ses heures. Mais elle voudrait bien partir et leur donner le sourire, pouvoir garder leur regard quand elle prendra le départ. Elle leur a dit qu'elle reviendrait une fois qu'ils auraient le sourire. Elle voulait juste leur apporter tout le meilleur après le pire. Ce n'était qu'une question de temps avant de rentrer chez les siens, comme un service très important, une mission à laquelle elle tient. Mais elle n'aurait jamais pu croire qu'un jour elle l'aurait à choisir. Se battre pour garder l'espoir ou bien rejoindre les souvenirs. Car au moment de dire adieu, elle n'a pas pu dire au revoir. Et c'est si loin de ses yeux, à nouveau prendre le départ. Oh. Elle voudrait bien encore caresser ce décor, trouver le temps qui pleure au milieu de ses heures. Mais elle voudrait bien partir et leur donner le sourire, pouvoir garder leur regard quand elle prendra le départ. C'est vivant de ses yeux, laissez-le prendre le départ. Laissez-le vivant de ses yeux, laissez-le prendre le départ. Laissez-le vivant de ses yeux, laissez-le prendre le départ. Laissez-le vivant de ses yeux, laissez-le prendre le départ. Trouver le temps qui pleure au milieu de ses heures. Mais elle voudrait bien partir et leur donner le sourire, pouvoir garder leur regard quand elle prendra le départ. Elle aurait voulu leur donner ce qu'elle a toujours rêvé avoir. Elle aurait seulement effacé peu de leur douleur d'y croire. Car au moment de dire adieu, elle n'a pas pu dire au revoir. Et c'est si loin de ses yeux, à nouveau prendre le départ.